m'empêche pas. Quand je vois une rivière de pensée à l'humanité, ce que nous devenons, ce que nous faisons, we'll be right back. présent. Ne plus espérer, ne plus se laisser distraire, désarçonner. Au four, presses to you, punch your fire, presses to you, punch your four, presses to you, like a musician. Love, touch, like a human. Yeah.